Chapitre 7e. Je tiens ce qu'on voudra, dit Amenzaga en levant le bras droit. Alors le jeu commença. Chacun s'était placé selon le hasard ou selon ses sympathies, et le plus grand nombre des joueurs ou des curieux s'étaient entassés autour du colonel, les uns à ses côtés, à droite, à gauche, les autres derrière son fauteuil. Amenzaga, au contraire, qui habituellement avait près de lui une galerie nombreuse, se trouvait presque abandonné. Il était le vaincu et le colonel le vainqueur. Cependant, le baron Lazarus lui était resté fidèle et, debout derrière lui, il semblait le couvrir de sa large protection. En tout cas, par l'emplacement qu'il occupait, en se tenant les jambes écartées et les coudes en dehors, il empêchait qu'on serre le banquier de trop près et qu'on lui enlevât la liberté de ses mouvements. Le colonel ne jouissait pas du même avantage. Littéralement, on l'étouffait en le serrant et en se penchant sur ses épaules. Gaston de Pompéran, tout le premier, qui s'en jouait lui-même, voulait être en bonne place pour jouer de la victoire de son ami et de la défaite de son ennemi, puis quelques femmes, qui enviant la bonne chance de Raphaël, voulaient être à même de profiter d'une occasion favorable si elle se présentait. « Pourquoi ne me prendra-t-il pas pour associé ?» se demandait chacune d'elles. « Il a bien pris Raphaël, et assurément, il n'y a pas de comparaison à établir entre nous. Il est vrai que nous sommes du même âge. » Mais pour tout le reste, quelle différence entre elle et moi? Et tout le monde sait de quel côté est l'avantage. Cet Américain n'est pas assez niais pour ne pas s'en apercevoir. En réalité, l'Américain ne pensait nullement à cela. Autant il avait montré d'insouciance aux 30 et 40, autant maintenant il paraissait attentif et réfléchi. À qui resterait la victoire? Les premiers coups ne permirent pas de préjuger le résultat. Ils s'étaient partagés à peu près également, et si le colonel avait l'avantage, c'était de peu. Encore cet avantage le devait-il bien plus à sa façon de jouer qu'à la chance elle-même. On sait que le baccarat consiste à chercher le point de neuf, ou tout au moins le chiffre le plus rapproché de ce point. Le banquier donne 2 cartes à son adversaire et 2 à lui-même. On peut se contenter de ces 2 cartes ou en demander une nouvelle. Cela fait, chacun déclare son point et celui qui est le plus près du neuf gagne. Le système du colonel était de s'en tenir généralement à ses 2 cartes et de n'en prendre une nouvelle que lorsque son point était extrêmement faible. C'était quelquefois pousser l'hardiesse jusqu'à l'imprudence. Mais au jeu, les témérités sont souvent heureuses. En cette circonstance, celle du colonel lui avait réussi. Après être passé en différentes mains, le talon était revenu dans celle d'Amenzaga et le premier coup qu'il avait joué, il l'avait gagné. La mise du colonel était de 10 000 francs, il l'avait alors doublée. Amenzaga avait donné les cartes et il avait de nouveau gagné. « 40 000 francs, dit le colonel d'une voix tranquille. « Je mets 10 000 francs dans votre jeu, dit le baron Lazarus à Amenzaga. Voulez-vous ? Volontiers. » Tous les yeux étaient attachés sur les mains du banquier. Le silence était fait dans les salons, on ne remuait plus. Lentement, Amenzaga donnait les cartes l'une après l'autre. Il y eut un moment d'attente qui, bien que très court, parut long à toutes ses impatiences. Le colonel, comme de coutume, déclara se contenter de celle qu'il avait reçue. Le banquier en fit autant. On compta les points. 6 pour le colonel, 8 pour le banquier. Un seul mot s'échappa de toutes les poitrines, gonflées par l'émotion. C'est trop fort. Seul le colonel avait conservé son calme et sa sérénité, car les mains du banquier étaient agitées par un léger tremblement. 80 000, dit-il. Je mets 20 000 francs dans votre jeu, dit le baron Lazarus à Amenzaga. Volontiers. Comme le banquier donnait les cartes avec lenteur, s'assurant bien avec les doigts qu'il n'y en avait pas 2 collées l'une sur l'autre, quelques voix l'excitèrent à se hâter. « Allez donc !» Le colonel se tint à son point, le banquier au contraire se donna une carte nouvelle. « 5 !» dit le colonel. « Amenzaga avait 9. » Il y eut une explosion de cris et la partie se trouva un moment interrompue par les commentaires. On remarqua que si le colonel avait demandé la carte que le banquier avait prise, elle n'eût point amélioré son jeu, tandis qu'elle avait donné à celui-ci le point le plus élevé. Alors on se regarda dans les yeux et l'on échangea quelques propos à voix basse. Mais le colonel rétablit le silence en annonçant qu'il faisait 160 000 francs. Comme le baron Lazarus ne disait rien, le banquier se tourna vers lui. « Eh bien, monsieur le baron, ne vous intéressez-vous plus dans mon jeu » demanda-t-il. « Non, monsieur, c'est assez. Alors banco, » dit Amenzaga. Les yeux d'adversaire présentaient alors un contraste curieux. Tandis que le vaincu était impassible, calme sur son siège, respirant librement, promenant autour de lui des regards souriants. Le vainqueur, au contraire, paraissait sous l'impression de l'inquiétude et de la gêne. Il s'agitait sur son fauteuil, et pendant qu'il serrait fortement dans sa main gauche le talon qui lui restait, il introduisait souvent sa main droite entre sa cravate et son cou, comme pour respirer. Ses yeux couraient sur la table, allant de l'un à l'autre furtivement. Comme il se préparait à donner les cartes, le prince Mazzazzoli, qui s'était rapproché de Raphaël, prit celle-ci par la main. « Madame, lui dit-il à l'oreille, il faut que je vous parle. « Tout à l'heure, prince. Non, venez tout de suite. Tout à l'heure, il sera trop tard. » Alors, écartant les personnes qui gênaient leur passage, il l'entraîna malgré elle à l'extrémité du salon. Pendant ce temps, le banquier avait donné les cartes, et un grand cri, poussé par toutes les bouches, avait annoncé que de nouveau, il avait gagné. 7 points pour le colonel, 8 pour lui. Les exclamations se croisaient, et le tumulte était tel qu'on ne s'entendait plus, tout le monde criant en même temps. Cependant, au milieu du désordre, on voyait Raphaël courir vivement çà et là. Après quelques secondes d'entretien avec le prince, elle avait quitté celui-ci pour venir prendre par le bras un monsieur à l'air vénérable qu'elle avait tiré à l'écart, et d'une voix haletante, avec des gestes précipités, elle lui avait adressé quelques paroles. Mais le patriarche avait paru ne pas comprendre, ou tout au moins ne pas vouloir faire ce qu'elle lui demandait. Alors, l'abandonnant, elle avait couru à un autre, qu'elle avait emmené dans un coin opposé. Mais, comme le premier, celui-là avait secoué la tête et s'était retiré. Elle s'était retournée vers un troisième, qui, après quelques secondes d'hésitation, avait fait comme le second, puis enfin un quatrième, sans être plus heureuse. Une de ses amies l'avait alors arrêtée au passage, et vivement, elles avaient échangé quelques explications. Raphaël paraissait exaspéré. « Aucun ne veut intervenir, dit-elle. Pas un seul n'ose se mettre en avant. Amenzaga n'est pas terrible. » Ce n'est pas d'Amenzaga qu'ils ont peur, c'est de l'éclat, c'est du monde. L'un de sa femme, celui-là de sa fille. Ah, si Anatole pouvait être là. Le duc de Charmont, qui avait remarqué les allées venues de la comédienne et qui l'avait suivie des yeux, s'approcha d'elle. Alors elle parut lui répéter les explications qu'elle avait déjà données. « Bon, dit-il, je m'en charge. Bien que je ne sois pas de la maison, je vais prendre le rôle. Vous allez voir. » Et il se dirigea vers la table. Le silence était peu à peu rétabli et les adversaires étaient toujours en face l'un de l'autre. « 320 000 francs, dit le colonel. « Banco ? » répéta le banquier. Mais au moment où il prononçait ce mot, une main se posa sur la sienne, celle qui tenait les cartes. « Un moment !» dit le duc de Charmont, sans se presser et gardant sa nonchalance habituelle. « Qu'est-ce à dire, monsieur le duc ? » s'écria Mazzaga, voulant dégager sa main. « Je vais vous l'expliquer, mais ne dérangez pas votre main. » Le banquier, au contraire, fit un brusque mouvement, sa main s'échappa de celle du duc et les cartes s'éparpillèrent sous le tapis. « Que personne ne touche à ces cartes !» s'écria le duc. « Et pourquoi donc ? » cria le banquier. « Puisque vous voulez que je vous le dise, je vais vous donner satisfaction. Il n'est pas besoin pour cela de longues paroles. Ces cartes sont préparées et vous êtes un voleur. » Amenzaga voulut s'élancer sur le duc, mais celui-ci l'arrêta du regard. « Monsieur le duc, s'écria le joueur, vous m'outragez, je suis gentilhomme comme vous. « Vous êtes un voleur, et vous allez rendre l'argent que vous avez empoché ou j'envoie chercher la police. »« Je vous affirme sur l'honneur que j'ai joué loyalement. »« Allons donc, vous avez ajouté au talon un paquet de cartes préparées à l'avance. Tenez, on reconnaît ces cartes à la blancheur de la tranche. »« Je vous donne un démenti formel, je n'ai pas apporté de cartes. Tous ceux qui me connaissent vous diront que je joue loyalement. »« Monsieur le baron, dites donc à ces messieurs qui je suis. »« Mais je ne vous connais pas. » dit le baron Lazarus. « Vous vous êtes associé à mon jeu ?»« Oui, mais je me suis retiré quand j'ai vu que la chance était trop fidèlement avec vous. »« Allons !» continua le duc. « Restituez. Comme je n'ai pas joué, ce n'est pas pour moi que je parle, mais pour ceux que vous avez volés. C'est pour monsieur le colonel Chamberlain. » Le colonel avait quitté son fauteuil, il avait été adossé à la cheminée d'où il regardait cette scène sans y prendre part. À ce moment, il intervint. « Je ne demande rien, » dit-il. « Oui, mais moi je demande mes 3 000 francs, » s'écria une femme. « Et moi mes 17 000, et moi mes 12 000. » Pendant plus d'un quart d'heure, ce fut une confusion de réclamations, de cris et d'explications. Amenzaga était tiraillé de tous les côtés, son habit était déchiré. Cependant, il continua à tenir tête à tous, tant bien que mal, répétant à chaque instant qu'il était gentilhomme, qu'il n'avait pas triché. « Refaisons nous-mêmes son paquet avec ses cartes, » dit le duc. On eut bientôt retrouvé les cartes dont les tranches étaient plus blanches. mais il ne se rendit pas et se défendit encore longtemps. La sueur tombait de son visage et la voix lui manquait. Enfin, il vint vers le colonel. « C'est à vous que je fais appel, dit-il, et pour vous prouver ma loyauté, je consens à rendre ce que j'ai gagné. Mais alors vous me donnerez la main. »« Je vous donne mon argent, dit le colonel en riant, mais ma main, non. » Et lui tournant le dos, il passa dans un autre salon, d'où il entendit pendant longtemps les cris et les réclamations. Quand il sortit enfin de cette maison, il trouva Horace qui l'attendait. « Je n'avais pas eu tort d'apporter le revolver, dit le nègre. Si mon colonel l'avait posé sur la table de jeu, je crois qu'on ne l'aurait pas volé. Il y a des rôdis à Paris,